Chapitre 20e. Il était 1 heure du matin et Sofiane marchait en tête. Il portait depuis 20 minutes un panier pesant bien 8 kilos qui lui sciait à la paume de la main. Il fit une halte, rejoint par Khaled et Moussa qui l'accompagnaient. Le trône de Victor était vacant et Sofiane avait décidé, pour conquérir la place, de venger son copain dont tous avaient compris la mort certaine, ainsi que la cause de ce trépas. Dans le milieu, on règle ses affaires en famille. Il fallait que Sofiane accomplisse une action d'éclat pour être reconnu comme le meilleur de la bande. Il avait besoin de témoins de cette prouesse, d'où la présence des deux autres. Parvenus en vue de la caravane de Manolo, tous s'arrêtèrent. Le chien taché au seuil de la roulotte commença à grogner. Sofiane sortit un paquet de son panier et s'approcha courageusement, en silence, dans l'obscurité. Avant que le chien ne pousse un réel aboiement, Sofiane lança le paquet dans sa direction. 2 kilos d'abats, de quoi se retourner l'estomac. La bête renifla la barbaque et entama aussitôt son festin. Sofiane s'enhardit à avancer jusqu'à pouvoir caresser le crâne du chien qui se mit à gémir de plaisir. Il coupa la corde qui l'attachait et traîna doucement le paquet à 15 de mètres de la caravane. Le chien suivit avidement. La lune éclairait faiblement la scène. Sofiane alla chercher le piquet de fer qu'avait apporté Moussa et cala la porte de la caravane avec. Puis il sortit de son panier une bouteille, l'ouvrit et y glissa un tourtillon de chiffon. Il la posa juste sous la porte. Même manip avec une autre bouteille qu'il posa sur la fenêtre arrière de la caravane. Il recommença à l'avant du véhicule, près de la flèche sur laquelle était posée une bouteille de gaz propane. Le silence régnait toujours, troublé seulement par la mastication du chien. Avec une rapidité étonnante, Sofiane enflamma successivement les 3 chiffons qui illuminèrent la scène de flammes oranges. Puis, s'étant reculé à une bonne distance, Sofiane jeta un sac plastique plein d'essence qui creva sur le toit de la caravane. Aussitôt, le carburant s'enflamma, transformant le véhicule entier en brasier. Un cri se fit entendre à l'intérieur de la roulotte qui se mit à tanguer furieusement. Les vents sur le toit fondit, les flammes s'engouffrèrent à l'intérieur. Bientôt, la fenêtre arrière explosa, créant un terrible appel d'air qui embrasa instantanément tout l'intérieur. Manolo devait déjà être inconscient ou mort, asphyxié par l'oxyde de carbone depuis longtemps. Soudain, les cartouches stockées dans la caravane explosèrent sous l'effet de la chaleur, créant un beau feu d'artifice qui ravit les gamins à plat ventre dans l'herbe pour se garer des projectiles. Enfin, sublime apothéose, la bouteille de gaz explosa, couvrant les gamins de débris et de scories brûlantes. Même le chien, le museau entre les pattes, les oreilles couchées, la queue sous le ventre, en fut impressionné. Sous les étoiles, Sofiane était entrée dans la légende en flamboyant. Son exploit avait surpassé de beaucoup tous ceux dont les mémoires se souvenaient. Les gosses restèrent un moment couchés à terre, fascinés par le spectacle. Puis la bande gagna l'estac. Le chien suivait de loin, rêvant de nouveaux festins. Lorsque la brigade du SRPJ de Marseille arriva au petit matin, suivie d'une équipe de la scientifique, elle comprit tout de suite que le gros du boulot était déjà fait. Mais la baraque annexe était toujours debout. L'équipe opiniâtre décida de s'y intéresser. Le luminol, utilisé à tout hasard, révéla les traces de sang sur les planches du mur et à partir de là, tout s'enchaîna assez vite avec l'aide de 2 bergers malinois. On finit par mettre à jour la sépulture de Victor que l'on n'eut aucun mal à identifier. Dans le squelette tordu de la caravane, on gratta quelques restes de Manolo, et les gars furent impressionnés par les carcasses calcinées de l'arsenal du gitan. L'enquête concernant la disparition de Victor était close. Manolo était mort selon la tradition tzigane. Tout ce qu'il possédait avait été brûlé ainsi que sa roulotte. Quant à lui, il était aussi parti en fumée et en cendres comme aux origines indiennes de son ethnie. Avant de partir de chez elle, vers 13 h, le capitaine Pérez reçut un appel téléphonique de Michaud l'informant des derniers développements de l'affaire Gennarino, le restaurateur. On avait retrouvé les restes de Victor et de Manolo, son assassin supposé. Pour Gennarino, toujours aucune nouvelle d'Italie. « Nous non plus, nous n'avons rien de nouveau. Dès que ça bouge, je vous appelle, commissaire. » Comme prévu, Pérez a annoncé à Pronzati qu'il allait être libéré en fin de matinée, ce qui provoqua chez lui une panique monumentale. « Mais pourquoi vous me libérez? Vous avez dit que j'allais morfler. Vous racontez n'importe quoi, alors ? Une fois hors de la cellule, il resta planté au beau milieu, refusant de suivre le gardien qui voulait le raccompagner vers la sortie de centrale. « Vous déconnez, là ! Vous vous rendez pas compte ?» Pérez le prit à part, le fit asseoir et lui expliqua la manip. « Vous avez peur, Pronzati. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous protéger. Si vous voulez être complètement débarrassé de cette affaire, il faut sortir et reprendre votre vie normale. Vous allez nous aider à coffrer l'assassin, et on en tiendra compte. Après tout, vous avez déjà payé votre dette à la société, non ? Vous êtes tous des enfoirés. Merci, c'est sympa. Laissez-nous faire et vous verrez. Vous allez regagner votre domicile et reprendre votre vie normalement. Avec la différence que nous allons veiller sur vous, sans que personne, même vous, ne s'en aperçoive. » Pérez ne lui disait pas qu'ils avaient demandé à la Provence de faire paraître un entrefilet sur la page d'Aix, disant que l'un des témoins de l'affaire avait fait des révélations et que la police disposait déjà d'un suspect. Ça pouvait marcher, et comme dit l'adage, « semez, vous récolterez toujours quelque chose ». Pronzati fut donc raccompagné à son pavillon, à côté de la villa de Canepparo. Fabreg fut sur le point de lui avouer qu'une surveillance était mise en place autour de la villa, mais il se ravisa bien à propos. Et si Pronzati allait prévenir son complice ? Tant pis pour lui. Après tout, serrer les fesses n'a jamais tué personne, sauf quelques cardiaques. Sur le coup de midi, Canepparo appela Pérez. Au seul son de sa voix, Pérez sentit qu'il y avait du nouveau dans l'attitude de l'homme. « Michel, il faut que je voie, il faut qu'on parle, j'en ai besoin. Est-ce que vous avez du nouveau ?»« Pas concernant directement la mort d'Anzilotti. En revanche, le corps du petit complice de l'assassin était retrouvé. Je vous expliquerai. Vous voulez qu'on se voie ?»« Oui, ce soir, vers 9h, chez moi. Vous voulez bien ?»« Je mettrai les plats petits dans les grands. C'est comme ça qu'on dit en France, non ?»« Allez, d'accord, » dit-elle d'un ton enjoué. « Mais n'oubliez pas que je suis armé et physiquement bien entraîné. »« Je veux simplement vous parler, vous regarder, » répondit-il d'un ton triste. « J'ai beaucoup de choses dans la tête. Venez, je vous en prie. » Vers 14h, Djedjiga entra dans le bureau, la mine un peu défaite. Elle se laissa tomber sur une chaise, la tête baissée. « Qu'est-ce qui t'arrive, ma puce ?» lui dit Pérez, la voix pleine d'affection. « Mon opération est lancée. Je rentre demain matin à l'hosto. On me fait des examens, tout le bazar. Et après-demain, dès 8h du mat, je descends au bloc. Ça y est, c'est parti. » « Combien de temps dure l'opération ? Est-ce que je sais, moi ? Au moins 5 ou 6 heures. » « Écoute, ma puce, je te promets que je serai là quand tu te réveilleras, avec ta mère. Demain soir, je viendrai te faire la bise dans ta chambre pour que tu passes une bonne nuit avant l'opération. Ne te fais pas de soucis, laisse faire les choses. De toute façon, il arrivera ce qui doit arriver. » « Oui, c'est ça, Mektoub, et Inch'Allah, » repartit Djedjiga d'un ton amer. « Mais non, ce n'est tout de même pas la roulette russe. Tu veux dormir chez moi ce soir et que je t'amène demain ? Non, ce soir je vais préparer mes affaires, et si ma mère ne me voit pas, c'est elle qu'il va falloir hospitaliser. » L'après-midi, l'équipe reçut un coup de fil de Russo survolté. Quand il s'agit d'un Italien, cela prend des proportions incommensurables. Canavese était à l'écoute et traduisait à la vitesse de l'éclair. « Ça y est, il a trouvé !» dans une gazette de la région de Montesarchio datant de 1960. On y voit la photo de nos trois clients, avec 40 ans de moins. Mais on les reconnaît bien. Attendez, il m'explique. Oui, voilà. Il s'agit d'une affaire de vol avec effraction et violence sur la personne d'un vieillard. L'affaire a mal tourné. Le vieux a attrapé une attaque et la voisine s'est fracassée dans l'escalier. Un mort et une estropiée. Les délinquants ont été coffrés un quart d'heure après leur méfait. Ah! Leur nom. Alors, Anzilotti, il s'appelait Carmine Possemato. Canepparo, c'était Angelo Rapuano. Et Enzo Gennarino s'appelait Ugo Caporazzo. On pouvait toujours chercher avec les faux noms jusqu'à la Saint-Glinglin, s'exclama Volpi. Attendez, c'est pas fini. Si, Russo, aspetta un poco. Ils ont été emprisonnés dans la province d'Avellino, mais ils se sont fait la belle avec un autre détenu. Oui. Celui-là s'est escagassé en bas du mur avec une méchante fracture, a été repris. Demandez-lui comment il s'appelait, celui-là. Pedrelli. Eh, giusto, si. Non, Pellicini. Alberto Pellicini. Il a été libéré il y a quelques mois, après avoir purgé sa peine. Mais gaffe, c'est un taré, d'après Rousseau, un type hyper dangereux. Ouais, on s'en est aperçu. Si on est bien suivi, le mobile serait la vengeance, demandez-le lui. Si. Oui, c'est ce que pense Rousseau, vu que les trois ont laissé Pellicini blessé sur le carreau et se sont taillés dans la nature. Demande-lui qu'il nous envoie une photo du mec, la plus récente possible. Après une courte pause destinée à digérer la satisfaction, Volpi reprit les affaires en main. Eh ben voilà, dis-lui qu'il est le plus fort. On va lui envoyer un wagon de calissons et une citerne de cotodex. Je vais faire un courrier de félicitations à ses supérieurs. Bien, l'homme que nous recherchons se nomme donc Alberto Pellicini. Il n'a pas de raison d'avoir changé de nom puisqu'il est en règle avec la justice. Nous en savons suffisamment pour le coffret. Sauf où il crèche, patron, remarqua Petricoul. Ça ne devrait pas poser de problème pour le loger. Synthèse, où en est-on avec les quatre ailes? Je viens d'avoir le renseignement tout à l'heure. Il y en aurait une qui correspond au signalement, dans une ferme entre Coutron et puis Ricard. Bon, les gars, en piste. Mais je veux une approche en douceur, pas une descente de CRS. Si on veut avoir une chance de coffrer notre mec, il ne faut pas que ça se transforme en fourche à brol. D'accord, patron, fit Petricoul. Non, surtout pas toi, s'exclama Pérez, évêque ta dégaine de Carmatran. Tu ressembles à un Simpson, tu ne peux pas passer inaperçu, ajouta le capitaine en éclatant de rire. Synthèse et Canavese, allez-y vous. Canavese, ça vous fera prendre l'air, après votre traduction d'italien. Alors, vous avez bien compris, les cow-boys? On se renseigne, nez au vent, cool, comme deux abrutis, vous savez le faire, ça. Et si on prend une perlouse, on s'occupera de tout, du chêne massif pour tous les deux. Les deux lieutenants arrivèrent sous les lieux vers 17 heures. Le soleil brillait encore. Ils avisèrent la ferme, modeste bâtiment qui avait bien 100 ans d'âge, un peu délabré. À grandes enjambées, ils se mirent à arpenter un grand champ de vignes voisins. Canavese portait même sur l'épaule un trépied avec un appareil qui pouvait passer pour un théodolite. Synthèse faisait de grands gestes en montrant les 4 points cardinaux. Canavese, de ses bras tendus, simulait l'implantation de constructions ici et là, dans une direction puis dans une autre. En douce, le regard en coin guettait la maison et repérait les ouvertures, les abords. Point de 4 ailes en vue. Au bout d'un moment de ce manège, une femme vint à leur rencontre. Ses habits noirs, son foulard sur la tête, annonçaient une paysanne d'un âge avancé. Elle avait un regard triste et doux. « Qu'est-ce que vous faites dans ce champ ?» leur demanda-t-elle avec un fort accent italien. « On étudie l'implantation d'un petit lotissement de villas. C'est juste un projet, hein, rien de définitif, » répondit Synthèse. « Il a vendu sa vigne, le père Ginoux, et bevait, lui qui ne voulait rien savoir. Non, non, personne n'a rien vendu pour l'instant. On étudie justement les possibilités pour faire une offre. Vous habitez à côté ?»« Oui, juste là, » dit-elle en montrant la ferme. « Mais moi, je m'en fous, je suis pas propriétaire. Ça fait des années que j'habite cette baraque. Heureusement que je paye pas de loyer, parce qu'il n'y a pas de chauffage ni d'eau chaude. Ce salaud de Fouque n'a jamais voulu faire de réparation. Oh, mais j'attends encore un peu et puis j'irai en maison de vieux. Toute seule ? Eh ouais, mon mari il est mort, ça fait longtemps. Il m'a ramené d'Italie, comme une vache. Il passait par chez moi, en revenant de la guerre, et hop, il m'a embarqué pour me cloîtrer ici. Et comment vous faites pour les courses et tout le reste ? Bah, j'ai ma voiture. Ah, bien sûr, c'est pas une neuve, mais pour aller à Puricard, ça suffit bien, dit-elle en montrant une petite auto noire. C'est la petite Fiat Panda là-bas ? Ouais, elle marche encore bien. On me l'a donnée, Edith. Et avant, vous n'aviez pas de voiture alors ? Que si, j'en ai toujours une. Mon mari n'a jamais voulu apprendre à conduire les voitures. Il allait en mobylette. C'est moi qui vendais au marché, qui allais chercher mon homme au café quand il était sous. Avant, j'avais une 4L. Celle-là, elle est plus petite, mais elle ferait de mieux. Il est bien exposé, ce terrain, hein ? Ajouta Fabregue pour changer de sujet. Ouais, elle pourrait bien donner, cette vigne. Mais Ginoux, il s'en occupe pas. Tout en faisant la conversation, Fabregue vit qu'une des fenêtres venait de renvoyer un éclat de soleil, prouvant que le ventail avait bougé. Est-ce que la vieille avait été envoyée un éclaireur ? Il pensa qu'il valait mieux pour elle ne pas raconter ce qu'elle avait dit sur les voitures. Sinon, Pellicini risquait fort de lui mettre la tête au carré. Il était temps de décrocher pour ne pas crier d'alarme. « Bon, allez, madame, c'est comment votre nom ?»« Martha Pietavin. »« Oui, c'est mon nom. »« C'était bon, tout correspondait. Il fallait se replier rapidement. On a un autre terrain à voir. Au revoir, Madame Pétavine. Les deux lieutenants se concertèrent sur l'opportunité d'une intervention en force. Ils étaient mal armés, sans gilet pare-balles. À deux, c'était du suicide. Ils étaient persuadés que Pellicini ne lâcherait pas le morceau tant que Canepparo n'était pas mort. Du moins, il allait essayer de le buter et l'idéal était de le prendre en flag juste avant qu'il ne réussisse. Logiquement, on avait donc un peu de temps devant soi, mais il ne fallait pas foirer la conclusion. Lorsqu'ils rentrèrent au central, Pérez était encore là. Ils firent leur rapport en précisant que désormais, il fallait surveiller les allées et venues d'une Fiat Panda noire dont Saint-Esse avait mémorisé l'immatriculation. Tout porte à croire que le furet était dans son trou et y reviendrait. Il fallait là aussi préparer les filets, comme au domicile de Canepparo.